Merci Bordeaux, vous êtes super. Ouh, yeah. I'm gonna make you mine. claquure. Putain de pile. Yeah. Bordeaux, c'est mieux que Marseille quand même. We're gonna make it. French boys, les mecs bizarres. I'm not afraid to die. voulais creuser dans un fleuve. Oh, tous dans la même soirée. Des trucs et des machins en haut.